Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Alex Vizorek. Salut Alex. Bonjour Sofiane. Comment vas-tu? Écoute, très bien. Toujours un plaisir de parler des galères. Eh bien écoute, plaisir partagé. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Ben de rien, avec plaisir, c'est normal. Et donc tu avais une ou plusieurs galères, anecdotes à nous raconter? Bah, sans doute. De quel sujet tu préfères qu'on parle? Parce que évidemment, il y a les galères, comment dire, structurelles, oui. et les galères exceptionnelles. Donc les galères structurelles, on en vit une en ce moment, et je partage tout mon soutien avec ceux qui étaient en train d'arriver ou qui ramaient un peu, parce que je me dis, si ça m'était arrivé il y a 7-8 ans quand je faisais mon premier Avignon, ça aurait été très très violent pour moi, donc j'imagine que ça doit l'être pour eux, donc tenez bon. C'est vrai que ouais, c'est vraiment compliqué, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu, et perso, je ne pensais vraiment pas le vivre, tu vois, genre, je ne pensais vraiment pas vivre une pandémie quoi, dans ma vie, tu sais. Je me disais que les pandémies, c'était avant et tout, tu vois ce que je veux dire. Écoute, très honnêtement, pareil. Pareil, et quand on nous a dit le 15 mars, restez chez vous 2 semaines, bon, on s'est dit, c'est folklorique, quoi. Ouais. mais là, ça commence à faire bien, bien long. On ne voit pas trop le bout. J'ai lu un article comme quoi ils espéraient tellement qu'Avignon ait lieu cette année, mais bon, ça sentait un peu la méthode Coué, donc je pense que personne n'est sûr de rien. Mmh. Et encore, si ça a lieu, ils disaient que ça allait être avec des jauges à moins 25 à moins 40%. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on a aimé. Je ne sais pas si tu as fait Avignon, toi, mais... Non, mais j'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait. Je suis un peu le festival, je suis un petit peu l'évolution et tout. Et clairement, si jamais tu mets des jauges réduites, c'est compliqué de faire Avignon. Donc là, ça va être quoi. Ça va être très, très violent. Donc voilà, mais bon, ça serait bien que ça ait lieu, ne fût-ce que pour le message. Et voilà, donc effectivement, de ces galères-là, moi, j'ai galéré, bien sûr, au début. Et je pense que c'est même ultra formateur. Totalement, bien sûr. Si tu galères pas au début, je crois que ça te donne une mauvaise image. Et t'as beau dire, non mais je sais, tu sais pas en fait. Et faut le vivre. Et donc ceux qui sont dedans, enfin là c'est difficile aujourd'hui à dire, mais moi quand j'ai commencé, j'avais appelé ma mère pour lui dire, bah, j'ai envie de faire humoriste. J'étais à Paris pour les cours Florent. J'étais en troisième chez Stéphanie Bataille, prof de One Man Show. C'était la première fois qu'elle donnait cours. C'est la première fois qu'il y avait un cours de One Man Show. Je sais pas, ils avaient senti que ça allait devenir, une discipline dans le vent ou d'avenir, je sais pas. Mm-hmm. Là, ça me remonte il y a presque 15 ans. Et j'avais lu une interview de Bruno Solo qui disait « J'ai mis 10 ans à réussir ». Alors, j'ai appelé ma mère, j'ai dit « Voilà, bon, c'est compliqué, mais il y a des gens qui ont mis 10 ans. Moi, j'ai bien envie de faire ça. Sache que ce sera peut-être long. » Et puis, j'ai lu une interview de Stéphane Guillon, mais je crois 2 semaines après, qui dit « J'ai mis 20 ans pour réussir ». Alors, j'ai rappelé ma mère, j'ai dit, écoute, ça va être long, mais peut-être encore plus que tu l'imagines. Et puis, j'ai arrêté de lire des interviews du Maurice. J'avais très peur qu'il y en ait un qui rajoute encore 10 années, quoi. Ouais. Mais effectivement, je pense que c'est pas faux, hein, sur cette longueur. En fait, malheureusement, ça peut être 10 ans, comme 20 ans, comme peut-être plus, comme moins, beaucoup moins aussi. On n'en parle jamais de ceux qui n'y sont pas arrivés. Mais c'est un espoir, c'est quelque chose qui nous fait vivre, tu vois. Et voilà, mais il faut, je pense qu'il ne faut surtout pas se fixer de durée, tu vois. De se dire, moi je me rappelle, j'ai un ami qui m'avait dit, moi, si jamais dans 2 ans, ça ne prend pas, j'arrête. Mm. Et j'avais trouvé ça un petit peu dommage, parce que je me dis, faut pas être pressé, faut pas vouloir absolument y arriver avant telle date. Non, faut continuer à faire ce qu'on aime, surtout, c'est surtout ça, ne pas se lasser, continuer à faire ce qu'on aime, et puis si un jour ça prend, ça prend. Alors ça, c'est extrêmement sage, et aussi, je pense que ça, il faut avoir un peu en soi, c'est qu'on reste la meilleure critique de soi-même. Mm-hmm. Et bon, il y a des gens qui ne veulent pas se l'admettre, et je comprends, parce que c'est violent. Mais il faut savoir avoir un œil extérieur à nous qui nous observe et qui voit si on progresse. qui voit si les salles se remplissent un peu, si les gens parlent de plus en plus de toi, si les gens, quand tu leur demandes s'ils ont aimé le spectacle, cherchent des excuses. Il faut assimiler tout ça. Il faut te dire qu'avec le temps, chaque année, c'est un peu mieux que la précédente. Et si tu te rends compte que ce n'est pas le cas, alors tu dois te remettre en question. Mais sinon, effectivement, sur le timing, ça peut être très long. Oui, oui, bah la remise en question, je pense que ça fait partie de notre quotidien. Ouais. C'est, il faut en fait avoir un équilibre entre les réussites et les échecs, entre guillemets. Bien sûr, si tu n'as que des échecs, tu vas être vite découragé. Et si tu n'as que des réussites, ça n'existe pas. On est d'accord. ça n'existe pas. Voilà, je pense que ça n'existe pas. Sinon, c'est qu'il y a un loup, il y a quelque chose, c'est pas normal, tu vois. Non, mais pour faire une première anecdote, si tu veux, de scène, est très facile. C'est passé à ma deuxième scène. Ouais. Parce que à la première scène, je suis arrivé avec un sketch que j'avais travaillé au cours avec Stéphanie Bataille, avec mes collègues dans la classe. On était une classe dans laquelle il y avait Walter, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui, bien sûr, Walter. Il y avait Caroline Vigneault. Oui. Et il y avait un des deux fils Tuche, qui lui a plus fait comédien. Et il y avait Paco Pérez aussi. Ah, d'accord. Que vous avez peut-être croisé sur des scènes ouvertes. Donc voilà, oui. En fait, ma foi, presque la moitié de la classe, un tiers, on était bien 15-20, en a fait son métier. Donc c'est très bien pour le professeur, et c'est aussi de se dire que peut-être il y avait au cours Florent des gens qui avaient envie de faire ça, ils n'avaient pas vraiment la filière, et maintenant elle existe. Je ne sais pas si elle existe chaque année, mais je crois qu'elle existe. Je suis sûr qu'elle existe encore, c'est Étienne de Balazi qui donne cours en ce moment, mais voilà, est-ce qu'elle existe chaque année, je n'en sais rien. Tout ça pour dire que la première scène, je vais au Field, donc la plus grande scène ouverte de Paris, la plus ancienne. C'est au théâtre Trévise, et je fais ce sketch, et il cartonne. Vraiment, il cartonne sur 5 minutes. La fille du fil, elle me dit, mais on ne vous connaissait pas. Je dis, écoutez, je viens de commencer. Elle me dit, mais il faut absolument que vous rencontriez, machin. Le lendemain matin, je me retrouve à jouer le sketch dans le bureau de Christophe Meillant, tout seul, sans public, ce qui était un peu étrange. donc tout ça, tu vois, tu as l'impression que tu es le génie que le métier attendait, quoi. Ah. Écoute, tu fais un sketch et tout le monde en parle. Enfin, tout le monde en parle. T'as tout de suite 3 rendez-vous, tu dis waouh. et puis je suis remonté sur scène avec un deuxième sketch que donc j'avais travaillé assez moyennement parce que je me dis on va parler d'autre chose, on va voir et tout. Les 3 premières vannes passent pas. je me tiens très mal sur scène. Je ne sais pas trop où aller parce qu'évidemment, comme la précédente fois, toutes les vannes étaient passées. Ça me semblait évident que. J'ai un trou de texte, du coup je suis perdu. J'ai un trou de texte, Walter qui est dans la salle parce qu'on faisait moitié-moitié me donne le texte. C'est très gênant pour ma deuxième scène ouverte, qui était à la Main d'Or d'ailleurs, du temps où Dieudonné n'était pas encore aussi. D'ailleurs, il était pas là le dimanche, c'était scène ouverte. D'accord. Et donc là, je me rends compte, après ce sketch où je suis un peu le plus mauvais de la soirée, après avoir été le meilleur 2 semaines avant, que en fait, c'est un métier de travail que je compare souvent au métier de pilote de ligne. C'est-à-dire que tu sais monter sur scène, tu es capable, tu sais conduire ton avion, mais tu le conduis d'autant mieux et tu es d'autant plus capable de répondre à des turbulences que tu n'as d'heure de vol. Donc, plus tu as des heures de vol, plus tu connais ton métier. Donc, c'est impossible d'accumuler des heures de vol en 2 semaines. Il faut monter sur scène souvent, remonter, reprendre des risques, régulièrement retourner dans les cafés-théâtres avec des nouvelles vannes parce que les choses évoluent, les publics évoluent, sont plus connaisseurs aujourd'hui. Le talent des collègues évolue aussi. Il faut essayer quand même toujours de voir où est le niveau quoi, pour monter le sien. Donc, donc voilà, ça c'est un peu les quelques points communs avec le sport. Pour le reste, ça reste un métier artistique et il faut quand même aller dire ce qu'on a envie de dire. Quoi. Bien sûr, monsieur. Mais je pense que tu as vécu ce que beaucoup d'entre nous ont vécu, c'est l'adrénaline, entre guillemets, de la première scène où t'es tellement stressé, t'as tellement envie de bien faire que tu pars avec les meilleures intentions du monde, tu montes sur scène, le public te porte vraiment, t'es persuadé d'avoir craqué le code, tu sais, d'avoir percé le secret de l'humour. Exactement. Et ensuite, il y a la deuxième scène. Et la deuxième scène, Pour certains, c'est la troisième. Mais cette deuxième scène-là, en général, on part un peu trop confiant. C'est ce que j'ai fait aussi. On part un peu trop confiant. Ah ouais, mais c'est normal. C'est, tu te dis, bah en fait, enfin, on s'est tous dit, bah c'est facile en fait l'humour. Voilà. Tu vois. Et après, bah t'arrives sur scène trop confiant, et après la deuxième scène en général te ramène sur terre. Et c'est très bien parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a besoin de galères, on a besoin de galérer pour se forger en fait une personnalité comique et puis un, comment dire, un blindage, une armure entre guillemets contre la grosse tête, contre l'envie d'abandonner. Enfin, c'est comme ça, tu vois. Je te disais tout à l'heure, il faut qu'on soit, tu vois, faut que ça se partage entre les réussites et les échecs. Et surtout, le plus important, c'est d'avoir un blindage de l'ego et de son corps physique, hein, pour pas souffrir de ça. C'est-à-dire, quand ça marche vraiment, quand tu déchires la scène, quand tout le monde est debout à la fin et tout, génial, tu vois. Il faut avoir un petit blindage quand même pour se dire, je ne suis pas le meilleur, c'est très bien, mais il faut que je continue à travailler. Enfin voilà, garder la tête froide, comme on dit. Mmh. Et dans l'autre sens, quand tu prends un bide intersidéral, un truc vraiment qui te fait mal aux artères, tu vois, là, garder aussi la tête froide dans le sens où on ne va pas remettre toute sa vie en question. On va juste se dire, bon, c'est pas grave, ce soir, c'est pas passé. Ouais, il y a ça. Mais là aussi, il faut avoir du recul sur soi-même. C'est-à-dire qu'il faut savoir si c'est... honnêtement, ça peut être dû au public, et ça peut être dû au lieu, et ça peut être dû à la position. Parce que si tu ouvres un spectacle... si t'es pas une grosse rosta, c'est plus compliqué que si tu passes après 3-4 personnes qui ont chauffé la salle. Donc tout ça fait que ce sont des facteurs. Maintenant, quand un sketch est très bon et que toi-même t'as beaucoup d'expérience, normalement il doit passer à chaque fois. Mais c'est comme ça que tu fais progresser ton sketch aussi. Absolument. En fait, il y a tellement de paramètres dans une soirée. Ça peut être quelle heure. Enfin, est-ce que les gens ne sont pas trop fatigués? Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de monde avant toi? Est-ce qu'il ne fait pas trop froid ou trop chaud dans la salle? Est-ce que les gens sont mal assis? Enfin, tout est possible. Est-ce que toi, tu n'as pas fourché sur un mot? Ça arrive aussi. Ouais. Hein, à Avignon, tu vois, un jour, ça marche moyennement, mais je faisais tout mon spectacle à Avignon. Mm-hmm. Et un jour, franchement, il y avait du monde dans la salle et je jouais vers 18h et ça marche moyennement. Et bon, je le dis à je sais pas qui, à un collègue, ou j'écoute chez moi, ils étaient un peu mous et tout. Et il y a quelqu'un, un vieux producteur, qui me dit « Ouais, non, mais c'est normal, hein, y avait du vent. » Et dans un premier temps, je me suis dit « Il se fout de ma gueule, tu vois. » Et puis j'ai dit « Non, mais tu rigoles. » Il me dit « Non, non, non. Quand il y a fort Mistral, les gens sont fatigués. » Parce qu'ils ont marché dans le vent toute la journée, c'est usant. Et quand ils arrivent à leur troisième spectacle de la journée, ils sont plus fatigués qu'un jour où ils sont tranquilles. Et alors, j'ai entendu ça en me disant que ça doit être quand même une excuse de loser, quoi. et je vais te dire que j'ai fait Avignon, tu vois, 4-5 fois, et j'ai vérifié. C'est pas faux du tout, en fait. Les gens sont fatigués. Et moi-même, en tant que public, quand j'y vais pas pour jouer moi, le Mistral fatigue. Donc voilà, sachez-le, c'est un paramètre qui m'avait totalement échappé. C'est vrai. Et je te remercie vraiment parce que à partir de maintenant, chaque fois que je biderai, je dirai « Ah, mais Mistral, hein, Ça marche, en tout cas. Bon, non, merci. Mais ouais, franchement, c'est vrai que j'avais pas pensé au vent, tu vois. Moi, j'avais plus pensé à la température dans la salle, tu sais, on va dire. Il y a aussi ça, mais ça peut pas varier d'un jour à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, s'il fait chaud le lundi, le mardi, il fait chaud aussi. Tu vois. Alors que le vent, il peut se lever un matin et puis disparaître le lendemain. C'est vrai aussi. Ouais. Donc voilà, absolument. C'est des petits paramètres auxquels il faut tenir compte. C'est ça. Donc, c'est malheureusement, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et avec plus. Le temps, si tu veux, c'est quelque chose qui te traîne plus dans la tête. Parce que quand un public démarre moins bien que la veille, au début, on s'en rend compte tout de suite et on se dit waouh, c'est moi, je suis pas bien, et donc on livre plus aussi bien les vannes qui suivent. Et ça passe avec l'expérience, parce que plus on bosse et plus on fait ce métier, plus on sait que on doit pas tenir compte de ça et donc jouer de la même manière et de la meilleure manière, et on s'inquiète plus. Et bon, la règle étant c'est de ralentir quand ça va pas bien, il faut les reprendre doucement. Et le défaut, évidemment, de la plupart, c'est quand ça va pas bien, d'accélérer pour être vite sorti de scène. Et ça, c'est la boulette absolue, quoi. Et moi, le premier, j'ai tendance... Déjà, en temps normal, je parle assez vite. Et, et je te jure que des fois, je me suis vu passer en mode pilote automatique À tel point qu'une fois, je me souviens, j'avais une amie dans la salle, elle a fait exprès de passer devant la scène pour aller aux toilettes, en fait, voilà, pour pouvoir me regarder et me faire un signe de ralenti, ralenti, tu vois. J'allais tellement vite qu'elle a, elle a fait semblant d'aller aux toilettes pour pouvoir me voir directement et me faire un signe avec la main, tu sais, le signe cool, calme, vas-y plus doucement, tu vois. Et je ne me rendais pas compte. Mais parce qu'en fait, il faut dire ce qui est, je jouais dans un bar où il était censé ne pas y avoir de match à la télé. Le gérant m'avait dit qu'il n'y aurait pas de match ce jour-là. Finalement, il y en avait un. Du coup, j'avais 5 personnes qui m'écoutaient. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Et les 40 autres qui regardaient le match en gueulant, quoi. Parfois, il faut aussi savoir dire non, je crois. Ben, je pense que je me suis... En fait, je te jure, j'y ai réfléchi à ça. Je pense que je me suis... offert le luxe de faire cette scène pour me dire ça y est, c'est bon, j'ai donné, j'ai payé mes dettes. Alors si c'est ça, ça va. Voilà, parce que en fait c'était au terme d'une tournée l'année dernière, j'ai fait pas 2020 bien sûr, mais 2019, j'ai fait une tournée, j'ai fait une date de mon spectacle par département de France métropolitaine, donc j'ai fait département de 1 à 95 sauf la Corse et donc j'ai fait vraiment une date par département. Ah, c'était vraiment génial, j'ai découvert j'ai tourné partout, bon bien sûr Paris, tout ça, les grandes villes, et j'ai découvert des endroits magnifiques. J'ai joué dans des endroits super et je suis passé dans des endroits vraiment, tu sais, on parle de la France profonde, moi j'ai découvert la France souterraine, tu sais, j'ai vraiment je suis passé par des endroits, c'était, j'aurais jamais imaginé que ça existait, mais c'était beau, je dis pas ça négativement, mais non, donc quand j'ai fait ces dates là, ma dernière date c'était dans ce fameux bar, c'était dans la Sarthe. C'était mon dernier département, c'était la Sarthe, le 72, donc vraiment je me suis dit, bonne nouvelle, je termine la tournée sur un truc tellement galère que maintenant, j'estime que j'ai le droit de ne plus me rentrer dans ce genre de plan, tu vois. Écoute, tu l'as gagné. C'est ça, je te remercie. Je te remercie et je remercie vraiment les spectateurs. Je tenais à les remercier du fond du cœur. Vraiment, c'est grâce à eux, tu vois. S'ils n'avaient pas mis un bazar pareil, je pense que j'aurais gardé goût à la vie, tu vois. En tout cas, c'est des galères. C'est le genre de choses aussi qui te rappelle, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il faut garder le contrôle entre guillemets sur soi et délivrer la même performance, quelle que soit l'ambiance dans la salle, rester sur tes rails en fait. Alors ça, c'est très important. Et puis surtout, ça te rappelle la chance que tu as de jouer dans déjà d'être un peu connu, parce que c'est sûr que si c'est Franck Dubosc ou Gad Elmaleh qui vient en scène ouverte, les gens, il y en aura un peu plus qui vont regarder la scène que le match de foot. C'est sûr. Donc, c'est pas contre toi, mais c'est comme ça. Écoute, j'ai cru comprendre, mesdames et messieurs, vous êtes témoins. Alex Vizorek vient de me dire que j'étais moins connu que Franck Dubosc et Gad Elmaleh. Vraiment, je sais pas comment le prendre. Si je t'en informe, je te demande pardon, mais... mais effectivement, c'est compliqué. Et pour eux aussi, de se dire que quand tu arrives dans un zénith, moi je n'ai pas fait ça, mais j'ai fait, on va dire, des salles de 2000, j'en ai fait. Quand tu arrives dans un 2000 places à l'Olympia, où tu as une première partie qui a chauffé la salle et où tous les gens sont contents de te voir, en plus, ils sont payés, c'est vraiment un luxe, quoi. Tu ouvres la bouche et ils se marrent. Alors évidemment, si tu dis 10 conneries sur les 10 premières, tu peux les perdre. Mais normalement, tu vois, ils partent avec toi. C'est super confortable d'avoir 2000 personnes qui t'attendent et qui sont contentes de te voir. Parce que et ça, il faut s'en rappeler à chaque fois, quoi. C'est vrai. Et quand, du coup, c'est intéressant de faire des petites salles. Et ça, je sais que Gad l'a fait il y a 2 ans pour tester des choses. Il revenait comme ça en surprise au Paname ou dans des petits cafés-théâtres. Et je pense que ça doit être très, très, formateur et intéressant, quoi. Oui, bien sûr. Après, je pense que c'est aussi une volonté des artistes. Tu vois, très souvent, quand ils font du rodage et tout, ils font ça dans des toutes petites salles. Donc là, Gad a poussé le truc encore plus loin, parce que d'habitude, tu sais, si tu mets, par exemple, rodage Florence Foresti dans une salle de 100 places, bon, évidemment, en 2,8 secondes, les 100 places sont achetées. On ne va pas se mentir. Hein. Tout à fait. Et tant mieux. Voilà. Moi aussi, je suis content de l'avoir dans une 100 places. Ah, mais c'est très très bien, mais je veux dire, ça va être 100 personnes qui seraient venues au Zénith et tout, tu vois ce que je veux dire, mais au moins ça va permettre de mieux connaître ce qui va se passer, tu vois, de mieux savoir si les vannes marchent ou pas, parce qu'évidemment dans un Zénith tu ne peux pas tester des blagues. Alors il paraît que Florence elle l'a déjà fait ça, mais moi je le ferai pas pour l'instant, j'en suis pas à ce niveau-là de carrière. Tu peux en tester une entre deux bonnes, mais oui. Tester 5 minutes que tu n'as jamais testé, moi je ne peux pas le faire aujourd'hui. Tu vois. Pas absolument. Je veux dire, roder un spectacle, voilà, tu es obligé de roder dans les petites salles et tout. Mais je disais, ouais, Gad Elmaleh, en fait, a poussé le concept encore plus loin parce que lui, non seulement il va dans les petites salles, mais il va dans les salles où il n'est pas prévu. Et je pense que c'est ça le meilleur moyen, en fait, de tester parce que c'est un public qui ne t'attend pas. Après, évidemment, il y aura toujours des fans dans la salle, ça c'est normal, mais tu pars avec une certaine sincérité dans la démarche parce que les gens ne s'attendaient pas du tout à te voir. Donc, si les blagues sont bonnes et que les gens rigolent, voilà. Et d'ailleurs, ça n'empêchera pas. Regarde, par exemple, j'entendais Kian Kojandi qui en parlait, qui disait qu'après Bref, il a vraiment pris le temps de monter chaque blague de son nouveau spectacle. Pulsion, il a galéré au début parce que les gens le voyaient comme le mec de Bref et qu'ils avaient beaucoup d'attentes. Et il dit, il montait sur scène et tout, et quand il jouait après des gens qui avaient 6 mois de scène seulement, mais qui avaient des sets rodés, lui il montait pour tester des blagues, et ça lui a fait mal de bider entre guillemets, alors que des mecs qui avaient le centième de son expérience faisaient mieux, quoi. Mais c'est dur, mais c'est un petit peu la remise en question dont on parlait tout à l'heure aussi. C'est savoir se remettre en question, repartir de zéro et tout. Et puis voilà, après, moi, je pense que c'est bien pour l'humilité aussi de temps en temps d'aller dans des petites salles et tout, tu vois. C'est sûr. Après, moi, j'ai l'impression d'être d'une génération… Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de grosses têtes et de gros melons, mais on l'a tous un peu connu, ça. Oui. Et donc… Entre nous, si tu veux, on nous la fait pas, quoi. On se tire pas les cartes entre gitans, comme dit cette expression que j'aime assez bien. Je la connaissais pas. Donc, si tu veux, moi je sais, tu vois ce que c'est compliqué, tout ça, et donc il y a personne du métier qui m'a tellement pris de haut. Mais aussi, moi j'ai commencé tard, si tu veux, je suis monté sur scène, j'avais 29-30 ans, donc si tu veux. J'ai eu le temps de me dire que je ne ferais pas ce métier, que c'était une super chance de le faire. Quand tu réussis à 17 ans ton premier sketch, bah, tu as l'impression que tu es fait pour ça et que ton avenir est tracé, quoi. Ouais, donc, ouais. Donc, c'est plus compliqué. Je pense pour les chanteurs, par exemple, ça ne doit pas être facile quand à 17 ans, tu as une voix d'or et qu'on te lance et machin. Et que quand tu veux une banane dans ta loge, on te la porte. Nous, on a partagé des loges et encore coup de bol quand c'était des loges. Donc, si tu veux, la façon de réussir en tant que comique, elle impose déjà un brin d'humilité, je crois. C'est vrai. J'avoue qu'ils prennent soin de nous pour pas qu'on prenne le melon, tu sais. C'est pas, voilà, c'est vraiment, je pense qu'ils nous aiment tellement qu'ils veulent pas qu'on prenne la grosse tête. Ah. Et tu parlais de loge, ça me rappelle un petit truc vite fait. J'avais fait un plateau avec des amis et on nous avait, donc c'était une espèce de grande salle des fêtes et tout. Et notre loge, en fait, c'était une espèce de placard à balai. Et bien sûr. Je te jure, et c'était un truc, je sais pas de quelle année il datait. Je vais te donner une info qui devrait à peu près nous permettre sans carbone 14 de savoir où ça se situe. Il y avait un magnétoscope. Hop, hop, hop. Ça nous replace dans un contexte, magnétoscope. Ah, mais c'est sûr. Et je te jure, c'était, tu sais, enfin vraiment, dans ces moments-là, tu peux pas te la péter. Non. Ah, ça force l'humilité comme pas possible, tu vois. C'est comme une fois, j'avais fait la première partie d'un artiste, voilà, donc très, très, très en place, on va dire. Le lieu était vraiment super, super cool. Les gens qui m'ont accueilli, ils étaient parfaits, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux, ils m'ont dit, oui, on t'a fait une petite loge et tout. Et en fait, ils m'avaient pris un coin de couloir dans lequel ils m'ont posé une espèce de paravent. C'était vraiment spécial et tout. Après, ce qui a été cool, c'est que l'artiste en question est venu me voir et il m'a dit « Ah mais attends, ils t'ont mis là ?» Tu sais, je te jure, j'avais l'impression d'être puni, tu sais. C'est sympa. Oh, mais il était super sympa. Il m'a dit « Ils t'ont mis là ?» Il me dit « Non, viens avec moi. » Et il m'a fait rentrer dans sa loge à lui, qui était, je dirais, l'équivalent d'une villa à peu près, tu vois. et vraiment, il avait de la nourriture partout. Après, c'est l'artiste, hein, attention. Hein. Mais voilà. Je veux dire, il m'a dit « Vas-y, tu vois, il a été adorable. Vas-y, sers-toi, fais-toi plaisir et tout. » Et donc, depuis, j'habite là-bas. Et, ah, c'était tentant. Je te jure, c'était tentant. J'étais à deux doigts d'appeler ma femme. « Chérie, fais les valises, prépare les gosses et on y va. Hein, » Parce que là, vraiment, c'était beau. C'était une belle loge et tout. C'était magnifique. Et voilà, enfin, c'est le genre de choses qui te montrent que, voilà, quelque part, t'es, limite, t'as pas envie d'y arriver pour que les gens te reconnaissent dans la rue, t'as envie d'y arriver pour avoir une vraie loge. tu avais d'autres anecdotes de scène, du coup, peut-être, ou je sais pas. Il y en a une qui était un peu gênante, c'était… Il y a eu panne de courant, si tu veux, dans toute la rue. Oh là là. Et c'était une salle en Belgique, donc c'est bien 600-700 places. D'accord. Et moi, j'ai un spectacle qui fonctionne, tu vois, pas mal avec de la projection. Eh oui. Et donc, plus de projection, mais plus de micro non plus, quoi. Donc, bon, là, si tu portes un peu, les gens, ils t'entendent quand même. Ouais. Et donc, je dis aux gens, écoutez, bon, d'abord, je fais des blagues un peu convenues, habituelles, genre, c'est la faute du technicien, machin, tu vois. Et puis, je lui pose la question, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, c'est dans toute la rue. Et quand on te dit c'est dans toute la rue, tu sais pas si ça va reprendre dans 2 minutes ou dans 2 jours, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, là, je m'improvise un peu sans trop le faire exprès, j'ai au Club Med. Et je commence à faire un peu de l'animation, si tu veux. Je charrie les gens sur leurs vêtements. Je leur fais raconter des blagues, je me moque d'eux qui racontent des blagues. Je crée un truc à un moment et je pense vraiment sans mentir pendant 15-20 minutes, quoi. Ah oui, quand même, Ah d'accord. ouais. Et puis tout se rallume d'un coup, quoi. Donc tout le monde fait ouais, génial, on papote. Bon, évidemment, j'avais parlé du fait que je finirais jamais ce spectacle, que je reviendrai la semaine prochaine, enfin tout ça, ça les faisait marrer, quoi. Et ben, je sens que les gens ils rigolent moins, quoi, parce qu'ils aimaient beaucoup l'idée de me voir dans la douleur, ramer, tout ça. J'ai mis 5-10 minutes à les récupérer, alors à les reprendre dans l'univers du spectacle, parce qu'il s'était passé un moment de vie qui a amusé tout le monde. Bah, bien Et sûr. y en a qui m'écrivent de temps en temps en me disant j'étais dans la salle hein, le jour où il y a eu panne d'électricité. Et je me souviens exactement où c'était et quand c'était. Ben, dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas voulu développer carrément ce côté-là de toi et être le seul humoriste qui joue sans lumière et sans micro à chaque fois? C'est très écologiste, ça aurait été une idée. Écoute, non, vraiment non, parce que en fait, ce qui est sympa, c'est ce moment imprévu de vertige. Si tu le prévois, tu n'es jamais aussi bon, je crois. J'avoue, j'avoue, c'est vrai. Et c'est quand même beau de se dire que tu as réussi, tu as tellement été, comment dire, professionnel dans ce cadre-là, qu'au final, les gens ont même préféré la version, C'est à ça, l'arrache. c'est Tu vois? ça, et c'est ce que je disais au début, donc ça recoupe le podcast, que ça tient à une affaire de savoir piloter l'avion, quoi. À C'est ce ça. moment-là, j'avais 7-8 ans d'expérience et je ne me suis pas démonté et j'y suis allé et j'ai trouvé plaisir à essayer de combler ce moment-là et ça s'est bien passé. Eh bien, franchement, vraiment bravo, chapeau. Hein. C'est là où on voit la marque des vrais humoristes et tout, qui savent, tu vois, je veux dire, qui savent sortir les rames quand il faut, qui savent faire C'est une petite arrivé aussi, hein. pirouette, voilà, bah, se servir de leur environnement et puis de ce qui arrive. Et là, je pense que dans ces moments-là, c'est là où le spectacle vivant n'a jamais aussi bien porté son nom. Exactement. Et on aimerait tant qu'ils reviennent. Ah oui, on l'attend avec impatience. En tout cas, en attendant, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Merci Alex, vraiment du fond du cœur. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ah bah j'ai des Instagram, des Facebook et des Twitter. Vous pouvez D'accord. me Tu as une suivre. chaîne YouTube peut-être? Non, j'ai pas de chaîne YouTube. C'est trop D'accord. moderne pour moi, mais peut-être avec le temps. Non, sinon sur France Inter Oui, tous les jours. bien sûr, sur France Inter, avec grand, grand plaisir. Tes chroniques, vraiment, j'invite tout le monde à les écouter. C'est fin, c'est bien écrit, c'est magnifique, tout simplement. Bah, merci énormément. Bah, avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.